Le lendemain, alors que les âmes des prétendants sont descendues chez les morts, Ulysse rend visite à son père, Laërte. Mais, apprenant le massacre des prétendants, leurs parents tiennent conseil et marchent contre Ulysse, Laërte et Télémaque. Laërte, ayant tué leur chef, Athéna, avec la permission de Zeus, intervient. À quoi bon, Jean, dit Taac, cette cruelle guerre? Sans plus de sang, quittez la lutte, et tout de suite. À ces mots d'Athéna, tous sont verdis de crainte. La terreur fait tomber les armes de leurs mains. Le sol en est jonché. La voix de la déesse, ne leur laissant au cœur que le désir de vivre, ils s'enfuient vers la ville. Le héros d'endurance, avec un cri terrible, se ramasse. Il bondit, cet Ulysse divin, et l'on eût dit un aigle à l'assaut de l'éther. Mais le fils de Cronos, de sa foudre fumante, frappe le sol devant la déesse aux yeux pères, et tourné vers Ulysse, la fille du dieu fort Athéna lui commande. « Fils de Laërte, écoute, ô rejeton des dieux, Ulysse aux mille ruses, arrête, mets un terme à la lutte indécise, et du fils de Cronos, du Zeus à la grand voix, redoute le courroux. » À la voix d'Athéna, Ulysse tout joyeux dans son cœur obéit. Entre les deux parties, la concorde est scellée par la fille du Zeus à l'Égide, Athéna.